Le comité préparatoire national nigérien pour la célébration du 105e anniversaire de son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung est constitué le 17 mars à Abuja. Le comité a décidé de présenter à l'occasion de la Journée du Soleil la vie révolutionnaire et les exploits du président Kim Il-sung, la grandeur sans pareille du dirigeant suprême Kim Jong-un et les succès du peuple coréen obtenus dans l'édification d'une puissance socialiste sous sa direction et d'organiser diverses cérémonies comme rendez-vous commémoratifs et séances de films.